rebel. I'm just human, got my faults like anyone. But sometimes I find myself all alone, regret all the foolish things. Toi qu'un violon fut jeté sur le sol, car c'était toujours le seul qui gênait Nicolas quand il était bémol. Quand les voisins commençaient à manifester, c'était l'heure du goûter. Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour, Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour, nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre, nous nous sommes dispersés. La fugue seule est restée, mais chaque fois que je l'entends, c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. On était malhabiles, elle était difficile, la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Girl. Nostalgie 60. Vieillez, variété et liberté. Nostalgie. J'écoute en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Et près de ma fenêtre, je reste à l'attendre en guettant le bruit de ses pas. Son cœur, il comprendra enfin combien j'étais fidèle et il viendra sécher mes pleurs. Il est 3h. Seul sans ta voix. Nostalgie au cœur des 60s avec Nostalgie 60. Quand Juliette au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir deux chambres de bois pour ne pas danser la polka. Oui. À Mathurin, je peux te dire, elle danse bien. Mais si tôt qu'elle ferme les yeux, je peux te dire, elle danse mieux. Ouais. Les filles, Ici, ça fait des chichis, c'est tout en dentelle et en patchouli. C'est tout chiqué, et pour les tomber, faut l'uliguli ou l'ostinilé. Chez moi, là-bas, c'est pas du tout comme ça. Quand Juliette au violon et Léon à l'accordéon, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la polka. Ouais. La fille à Mathurin, quand tu lui causes, elle comprend rien. Cause-lui de près dans le cou, c'est un miracle, elle comprend tout. Ouais. Hey. L'amour, ici, c'est intellectuel. T'as l'air d'un voyou quand t'es naturel. Dois leur manquer le parfum des prés qui est si important pour le sentiment. Chez moi, là-bas, c'est pas du tout, du tout le même tabac. Quand Jules est au violon et Léon a l'accordéon, faudrait avoir trois jambes de bois pour ne pas danser la polka. La fille à Mathurin, quand tu lui plais bien. Et le meilleur de la Saint-Jean, tu le danseras dans les champs. Les gars, ici, ils sont dégoûtants. Ils achètent l'amour comme un coup de blanc. Et moi, l'idiot, qui n'ai pas un sou, j'ai beaucoup de mal à boire un petit coup. Alors, pas fou, je vais m'en retourner chez nous. Et j'ai le violon et on a l'accordéon. Faudrait avoir deux jambes de bois pour le ralentir. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? You didn't run, you didn't lie. You knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told you. Ooh, you were meant to be near me. Ooh, and I want you to hear me say we'll be together every day. What can I do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single day of my life? Ressemblera qu'à un oiseau blanc. je serai un mort vivant. Plus rien dire, plus rien. Dans cet avion, on te sourit déjà. Ton autre vie commence hier. Tandis que tout s'écroule autour. Nostalgie 60. Les 60s, comme si vous y étiez. Nostalgie.

don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from me, mama. Please, don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road. Leur maman de chagrin, tacada, tacada, voilà les Daltons, tacada, tacada, voilà les Daltons. C'était les Daltons, tacada, tacada, y a plus personne. Les années passèrent, ils s'étaient débrouillés pour attraper la rage. Ils ficelaient le docteur qui faisait les vaccins. Et puis contaminèrent les gens du voisinage. Amusant à les mordre, bien accuser les chiens. Tacada, tacada, voilà les Daltons. Tacada, tacada, voilà les Daltons. C'était les Daltons. Tacada, tacada, il n'y a plus personne. Ils devinrent des hommes. embrasser mon ami avant de les croiser. Embrasse ta femme, serre-moi la main. Vite sur la vie, va te faire rassurer. Tranche-toi la gorge et jette-toi sous le train. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y a plus personne. Mais la justice payée. Comme tous les jours, l'entête augmentait de 20 centimes. Les centimes américains. Ils étaient vaniteux et avides d'argent. Ils se livraient eux-mêmes pour toucher la prime. Car ils étaient encore plus bêtes que méchants. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. Tacadin, tacadin, voilà les Dalton. C'était les Dalton. Tacadin, tacadin, y'a plus personne. Nostalgie 60. Nostalgie. La radio de vos années préférées. Nostalgie. Sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi, près de la rivière,